tes bottes, on grelotte. Tu vas quand même pas sortir du pied. Mets tes bottes, ta calotte. Hey, t'as un trou dans le fond de culotte. Mets tes mitaines, ton foulard de laine. Veux-tu attraper une grippe vilaine? Mets tes bottes, tes grosses culottes. Veux-tu absolument te les geler? La météo annonce un été pourri. Sortons tout de suite nos parapluies. Mets tes bobettes, il fait frais. Veux-tu absolument les geler? Tes bottes, tes grosses culottes, ta calotte.